Alors, vous êtes bien sur CKRL au 89.1 et Futur Simple se poursuit en compagnie des étudiants de l'INRS ETE. Nous sommes maintenant avec Louise-Emmanuelle Paris. Bonjour, Louise-Emmanuelle. Bonjour, François. Alors, François nous a parlé des... François Clayé, hein, j'allais dire, pas moi, là, nous a parlé des contaminants atmosphériques passés qui se retrouvent dans les sédiments des lacs. J'imagine qu'on peut observer des conséquences de ces contaminants ailleurs également dans l'environnement. Oui, bien sûr. En fait, dès la fin des années 1800, des chercheurs ont observé une diminution du lichen autour de la ville de Paris, où la contamination atmosphérique était particulièrement élevée. C'était une des premières observations au niveau écologique de l'impact de ces contaminants. Et dans ce cas-ci, le lichen fait office de biomoniteur. OK. Alors, biomoniteur, qu'est-ce que c'est exactement? Tu peux nous l'expliquer? Oui. En fait, je vais commencer par vous donner la définition d'un moniteur. Un moniteur, c'est n'importe quel outil ou référence observée pour obtenir de l'information concernant un ou plusieurs paramètres. Mm-hmm. C'est une très large définition car le terme moniteur englobe aussi bien un appareil conçu par l'humain, comme un moniteur cardiaque, qu'un moniteur naturellement présent dans la nature. Ici, il peut être question d'observer la composition de l'eau ou des sols, par exemple. Maintenant, un biomoniteur, c'est un moniteur d'origine biologique, donc dérivé du vivant. D'accord. Comme le cas du lichen mentionné précédemment, est-ce que tu as aussi d'autres exemples de biomoniteurs? Mm-hmm. On peut également nommer les aiguilles de sapin, les larves d'insectes, les algues, les crustacés, etc. Et contrairement à ce que l'on pourrait penser, on peut retirer énormément d'informations à partir d'un même biomoniteur. De nombreuses équipes de recherche travaillent sur ce sujet, dont certaines présenteront leurs avancées au congrès de l'INRS lors de la journée dédiée au présent. Et qu'est-ce qu'on étudie sur le biomoniteur exactement? Admettons qu'on garde l'exemple du lichen. Le lichen est un biomoniteur idéal pour étudier les contaminants atmosphériques dont on a parlé précédemment, car il tire ses nutriments de l'air ambiant, donc de l'atmosphère. Il n'a pas de racines, ce qui nous assure que ce qui est contenu dans le lichen ne provient pas du sol. Mm-hmm. Donc, si on échantillonne du lichen et qu'on l'analyse en laboratoire, on est capable de voir la concentration en polluants qu'il contient, comme des métaux lourds. OK, d'accord. Alors, on peut connaître la teneur en contaminants atmosphériques dans le biomoniteur, mais est-ce qu'il y a d'autres informations qu'on peut retirer également du lichen? Oui, on peut aussi observer son comportement. Je sais que ça sonne un peu étrange, donc je vais vous donner des exemples concrets. Oui. Admettons qu'en conditions naturelles, il y a une riche variété d'espèces de lichens qui poussent. Il est possible qu'en présence de contaminants, on constate une diminution du nombre d'espèces présentes et que seules quelques espèces plus résistantes subsistent. On peut également observer que le lichen devient plus rare, donc moins abondant. Uh-huh. Il peut aussi présenter des différences au niveau morphologique, comme des déformations, ou au niveau fonctionnel, comme une diminution de la photosynthèse. Et quels sont les avantages d'utiliser un biomoniteur plutôt qu'une machine installée par un homme, par exemple? Premièrement, pour une raison aussi évidente que pertinente, le biomoniteur n'a pas besoin d'être installé ni d'être entretenu. Uh-huh. Donc, on élimine les risques de dysfonctionnement et le temps de main-d'œuvre requis. Et qui dit temps dit argent. Ça demeure donc économiquement avantageux, uh-huh, autant en termes d'équipement que de temps de travail. De plus, pour un même échantillon, beaucoup d'informations peuvent être soutirées comme l'abondance, la richesse et les concentrations de différents contaminants. À l'inverse, un appareil conçu par l'homme nécessite généralement une sonde différente pour chaque paramètre étudié et une calibration adaptée à ce qu'il doit mesurer. Ouais, ça c'est un fait. Et les biomoniteurs sont dispersés partout dans l'environnement. J'imagine que ça doit aider, ça. Ça doit être un... Oui, effectivement. Ils permettent facilement des études à relativement grande échelle à travers une région ou même un pays. En cas d'accident majeur, comme un déversement, un incendie chimique ou un accident nucléaire, les biomoniteurs sont déjà en place et permettent de déterminer l'ampleur des dégâts et la capacité de récupération de l'environnement par la suite. Ça semble extrêmement utile et avantageux, mais j'imagine qu'il y a aussi un revers à la médaille. Quels sont les inconvénients ou les limites du suivi par les biomoniteurs? Comme je le disais précédemment, le biomoniteur est pratique à grande échelle et ça implique un grand territoire couvert, donc une certaine variation des conditions climatiques. Les biomoniteurs étant à la base des organismes vivants, comme le lichen, ils sont contraints de s'adapter à leur environnement et peuvent donc présenter des divergences morphologiques et comportementales naturelles. Il est donc important de déterminer à l'avance les différences qui appartiennent aux variations normales de l'environnement et celles appartenant à la contamination atmosphérique. Lorsque ces différences ont plusieurs causes distinctes, on les qualifie de multifactorielles. Et est-ce qu'il y a des alternatives au biomoniteur dans ce cas-là? Oui, dans la perspective future, abordée la troisième journée du congrès de l'INRS, il est question entre autres des outils en développement pour permettre un suivi optimal. On peut nommer ici le filtre à air alimenté par des panneaux solaires. L'appareil va pomper l'air et les filtres vont capter les contaminants atmosphériques. Le fait qu'il fonctionne à l'énergie solaire le rend autonome et requiert peu d'entretien. L'appareil est petit et relativement peu coûteux à construire. Ceci est un exemple parmi tant d'autres des projets futurs visant un suivi de l'environnement à la fois simple et représentatif. D'accord. Donc, ça implique quand même que des appareils sur le terrain. Avec ce qu'on appelle l'ère de l'informatique en plein essor, est-ce qu'on peut espérer un jour pouvoir obtenir toutes ces informations à partir uniquement de notre ordinateur? Beaucoup d'études utilisent une approche de modélisation par l'informatique et les mathématiques afin de prédire les déplacements et concentrations des contaminants dans l'environnement. Cependant, ça demeure de l'ordre des prédictions et estimations. Mm-hmm. Il est donc essentiel de valider ces données avec des observations de terrain. D'un autre côté, beaucoup de ces études s'appuient sur des données satellites qui offrent un regard, si loin soit-il, sur les conditions environnementales. Et toi, Louise-Emmanuelle, en quoi consiste ton projet exactement? Mon projet de maîtrise consiste à utiliser le biofilm comme biomoniteur. Premièrement, le biofilm, c'est l'ensemble des organismes vivants à la surface des roches au fond des rivières. C'est un mélange d'algues, champignons et bactéries. En fait, on connaît tous ça. C'est la couche de glu visqueuse au fond des rivières qui fait qu'on glisse quand on marche dessus. Et oui, ça, on connaît ça. Et qu'est-ce que tu analyses exactement? J'analyse la concentration en métaux du biofilm, plus spécifiquement celui qui se trouve autour de l'industrie minière. Les mines sont reconnues pour être la principale source de contamination par les métaux dans l'environnement. Et mon projet s'attarde à la région du Nunavik, c'est-à-dire au Grand Nord québécois, où l'industrie minière est en plein essor. Et est-ce que tu es allé au Nunavik? Oui, j'ai eu la chance d'y aller faire 4 campagnes d'échantillonnage. Tout est gelé presque en permanence, sauf durant l'été, pendant une période d'environ 60 jours. Et à ce moment-là, c'est de la toundra rocheuse marécageuse à perte de vue, avec des températures de 5 à 10 degrés Celsius. Puis j'ai aussi observé des centaines de caribous, des harfangs des neiges et des aurores boréales. Mm-hmm. J'imagine que ça va peut-être un peu changer avec les changements climatiques. Oui, malheureusement, il y a des risques. On suit ça. Oui, effectivement. Voilà qui doit agrémenter finalement la campagne d'échantillonnage, le fait d'être au Nunavik. Oui, effectivement, c'est magique comme environnement. J'imagine. Alors, merci Louise-Emmanuelle. Alors, Louise-Emmanuelle Paris est étudiante à l'INRS ETE et présentera ses travaux au congrès étudiant INRS ETE la semaine prochaine. Alors, on va faire une pause musicale et on vous revient après avec le mot de la fin.